une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Joke. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planète Rap. Juste après Emeric, comme d'hab, avec Joke. Comment ça va, Joke? Au calme. Eh ben, on est bien, non? On est bien ou pas? On est bien entouré. Tu nous avais promis une soirée Vénus. Vénus, c'est ça. Pour ce jeudi soir. Il y a beaucoup de demoiselles dans la pièce. Est-ce qu'on peut vous entendre, mesdemoiselles, s'il vous plaît, faire un peu de bruit? Ouais. Quel accueil pour toi, Joke? Ça fait plaisir. Mm-hmm. On va rappeler que l'album Ateyaba est dans les bacs depuis lundi, qu'il marche fort. Lundi, c'est ça. Je crois qu'il est encore premier. Ouais. Ah, y a pas eu le truc dont tu me parlais hier là, tu avais c'est peur ou pas? 20h30. Ah d'accord. Voilà, donc pour l'instant, numéro 1. Christine. D'ailleurs, suite à Christine. Tu as Christine ensemble. Écoute, on va suivre ça et pour l'instant numéro 1 avec cet album, ça marche fort pour Joke Ateyaba. Et ce soir donc soirée Vénus, on va parler de femmes et on va passer exclusivement des soins un peu pour les femmes. Eh ben écoute, ça tombe bien, elles sont là, elles ont répondu présentes, elles sont en nombre. Et ça fait plaisir et je bénis qu'il fasse beau en plus aujourd'hui. Voilà. Puisque la plupart sont venus en tenue été. C'est pratiquement l'été, les images sont disponibles. Oumar qui est là, il y a messieurs Bips et Titan, l'équipe du collectif, les messieurs, hein. C'est ça. C'est votre collectif aussi? Les messieurs. Les messieurs, le collectif. Vous êtes combien en tout d'ailleurs dans le collectif? Bah, rappeur, on est 3 en tout, on est 7 après. 7, oui, c'est ce qu'il expliquait avec. C'est ça. La partie graphisme, etc. Mais là, 3 rappeurs en tout c'est cas. C'est ça. Et bon, vous écoutera peut-être en live tout à l'heure le morceau Vénus que tu feras en live d'ailleurs. À la fin. Si je suis pas trop gnaulé. La gnaule est de sortie aussi. Mais il faut se déshydrater, il fait très chaud là, aujourd'hui. Là, c'est parti là. Oui, on est sur les températures de Montpellier. Hein. C'est ça. Et encore, je garde ma veste. À Montpellier, il fait plus chaud quand même. Ouais, c'est vrai que t'es bien couvert avec la casquette, le truc. Va falloir changer un petit peu tout ça. Allez, on y va. Coup d'envoi de ce Planète Rap avec Joke. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Ça, c'était hier. C'était pas foutu du tout rien. Avant, ouais. J'ai même fait, quand j'étais petit, les repérages à Montpellier Hérault, tout ça, je crois. Vers 9 ans. Mais après, j'ai lâché la fin. Chaque semaine, maintenant, avec nos invités, comme on a 8 jours de la Coupe du Monde, je fais un petit quiz Coupe du Monde 2014. Attention, la question. Dernière question. Jusqu'à maintenant, quel a été le joueur le plus sélectionné en équipe de France? C'est Thuram, mais oui. Mais voilà, bonne réponse de Joke, bravo. Non, mais alors là. Bonne réponse de Joke. Qui remporte ce quiz Coupe du Monde à l'instant? Allez, coup d'envoi du live dans Planète Rap avec DJ Azura. Bips. Je me défonce pas avec des connasses. Tous mes négros sont des sauvages. On organise des barbecues ou des fusées en décollage. Grand comme Zemmour, asperger des sens. Et tu perds ton briquet. Pas le même génie. Pas le même flow. Pas la même vie, mais. T'auras pas le même flow. T'auras bossu sur ma kick. T'auras pas le même génie. Putain de fils de pute. T'auras pas le même flow. Putain de fils de pute. T'auras pas le même génie. Pas le même génie. Pas le même flow. Pas le même génie. Pas le même flow. On est sur les nerfs. 1. On est sur les nerfs. Right. Ramène ta biche, la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête, man. Elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête, man. Elle me reçoit 7 sur 7, sors ma œuvre et mes têtes sur tête. J'ai une lasse verte, j'ai une ceinture verte, j'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Ah, vous connaissez les filles, hein? Vous connaissez bien toutes les paroles par cœur, hein? Bon, t'as entendu, t'as vu comme elle a baqué déjà les morceaux, les filles, ou pas? Ça fait plaisir. Vous avez atteint à bas ou pas? Toutes? Bah tiens, on va en profiter pour demander, parce que c'est vrai que quand on écoute des morceaux comme ça, vous êtes pas choqués? Non. Ça va? Parce que t'as vu la jeune fille qui fait oh bah non. Elles connaissent. Ah non, pas choqué par ça, ça va pas ou quoi? Bon, en tout cas, ce soir, il va y avoir un petit peu d'amour, un petit peu de classe avec le morceau qui s'appelle Vénus. Maintenant, c'est le morceau pour débuter, Joke. Vénus. On y va, coup d'envoi? C'est parti. Allez, c'est parti, Vénus, c'est extrait de l'album Ateyaba. Baby.

du côté de La Cigale sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant, Joe? On va commencer doucement. Mineis. Mineis. Tu veux dire un mot sur le son, sur la façon dont il est né? Mineis, en fait, c'est un son un peu. Moi, ça me. C'est l'ambiance de l'instru, ça me rappelle le film, quoi, en fait, Mineis. Mm-hmm. Donc, j'ai voulu faire un truc un peu spécial dessus. J'ai un peu chanté, rappé, tout ça, c'est spécial. Faut écouter, quoi. C'est quelque chose que t'aimes bien aussi, justement, jouer avec les deux, chanter, rapper, etc. Ouais, c'est... je trouve que faut pas se limiter qu'au rap, quoi. Mm. Faut apporter quelque chose d'autre. Et bon, on va écouter maintenant ce que ça donne. C'est extrait de l'album de Joke Ateyaba. Produit par David Freak. Lundi, je roule avec ma AK. Lundi, je roule avec ma AK. Et c'est que j'ai le gris-gris, j'ai la baraka. Et c'est que j'ai le gris-gris, j'ai la baraka. Mardi, je roule avec 357. Mardi, je roule avec 357. Ma princesse peut te mettre une balle en pleine tête. Ma princesse peut te mettre une balle en pleine tête. Elle fait pas chichi quand je veux qu'elle shoot, elle shoot. Quand je veux faire du sale, elle enlève tout. Renoir, tu veux les baiser, tu vas raquer. Mes bitches vont tricoter sur ton camarade. Elle veut aller sur ma boîte sale. Faire des dragailles sur du West High. Elle veut rider sur la West Side. Sur du Alia ou du West High. Quand je ride avec des gens, ça fait que je suis une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecue comme King. Non, comme King, une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecue comme King. Non. Mercredi, je suis avec ma PPK. Beretta, je t'efface comme du Velleta. On voit des balles précises comme la Célessa. Elle vient pour te faire ta fête, pas pour faire des cadeaux. J'ai dit rendez-vous avec Uzi, c'est pas la même. Elle a de longues jambes, parfois elle me ramène sa jumelle. Silencieuse et timide, elle me fait des bisous en cachette. Peut pas se retenir quand j'appuie sur la gâchette. Elle fait pas de chichi quand je veux qu'elle shoot, elle shoot. Quand je veux faire du sale, elle enlève tout. Renoir, tu veux les baiser, tu vas raquer. Mes bitches vont te ligoter sur ton canapé. Elle veut rider sur la West Side. Faire des dragailles sur du West High. Elle veut rider sur la West Side. Sur du Alia ou du West High. Quand je ride avec les gens, savent que je suis une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecues comme King. Non. Comme King, une menace, man. Comme King, on te rafale. Comme King, on fait nos barbecues comme King. Non. Vendredi, je suis avec Famas. Vendredi, je suis avec Famas. Les week-ends, je suis avec Nina. Les week-ends, je suis avec Nina. Toutes mes pétas sont des canons, chargés perchés sur des talons. Je m'appelle Gilles comme il des X-Men. Donc mes mises sont toutes des missiles. Trop ridé dans cette jungle urbaine, j'en ai marre. Je veux me vider la tête. Je crois que je vais choisir la plus belle et me tirer avec. Voilà le morceau qui s'appelle Menace à l'instant. C'est extrait de l'album Ateyaba de Joke. Je comprends mieux en l'écoutant, hein, ce qui a pu t'inspirer, Joke. Tu vois le délire ? Ouais, je vois le délire. En effet, entre 20h et 21h, c'est ton planète rap toute la semaine sur Skyrock. C'est ça, Ateyaba dans les bacs, depuis lundi, numéro 1. Continue à pousser comme ça. Est-ce que vous l'avez acheté, les filles, l'album ? Oui. J'ai entendu que deux oui. Bah oui ! Elle, là, elle dit pas oui. Hein ? Hein ? Tu vas l'acheter ? Qui le veut l'album ? C'est pour griller pour ceux qui l'ont ou pas. Regarde, non, mais ça va pas ou quoi ? C'est le mien celui-ci. T'as vu le plan ou pas ? La feinte ? C'est tout démonteuse en fait. T'as vu cette petite feinte ? C'est qui veut l'album ? Hop, moi ! Toutes les mains se lèvent d'un seul coup. Dans le studio entre 20h et 21h, si vous arrivez à l'instant, vous dites mais qu'est-ce que c'est que toutes ces filles avec Joke ? C'est normal, tu as voulu rendre hommage aux femmes que tu malmènes un peu parfois dans tes morceaux. Ça même, arrive Joke. De temps en temps, mais ils aiment bien ça. Bah écoute, on leur a demandé, a priori oui. Ça les gêne pas ? A priori non. Ça vous gêne ? Non, au calme. T'y penses toi justement quand t'écris ou généralement voilà. Non, je. Est-ce qu'il y a une espèce d'autocensure ? Est-ce qu'il y a non, des... pas du tout. Jamais ? Je laisse filer ce qu'il y a dans ma tête en fait. Y a pas un moment où tu dis peut-être aller trop loin, non, faire non, attention. Jamais. Non. Ça arrive quoi? Sur les prochains albums, c'est quoi? C'est encore quelque chose que t'as envie de développer? Est-ce que t'as aussi ben, envie? Non, en fait, le truc, c'est que je sais même pas comment je vais faire pour le deuxième album. C'est comme je travaille à l'instant, tu vois, dès que j'aurai les instrus, ben, je verrai, tu vois. Toi, t'écris pas en amont, y a pas de texte? Non. J'écris tout sur place avec l'instru, quoi. Ah oui, t'as pas de. C'est l'instru qui m'inspire les morceaux. Là, par exemple, y a pas de réserve, là. Si jamais on disait faut enregistrer dès demain. Non, en texte. En texte. Non, il y a zéro réserve. Ah, il y a rien du tout. Mais si je dois enregistrer demain, j'écrirai demain, tranquille. Pourtant, t'en as fait plusieurs quand même. Là, il y a 18 titres, grosso modo, mais il y en a eu. En vrai, il y en a d'autres enregistrés. Avec les bonus, il y en a 21. Mais en tout, je crois, j'en ai fait 25. Il y en a deux autres aussi qui sont. Et tu limites vraiment, voilà, c'est 25, pas 25, plus, quoi. Ouais, c'est tout. Mais bon, je trouve que c'est beaucoup quand même. Ah, bah, c'est bien, en 3 mois, donc. Ah oui, en 3 mois. Ouais. Donc, c'est un sacré taf, quoi. Ouais. On va écouter un autre morceau avant de balancer un petit peu de pub et de revenir dans quelques minutes avec votre freestyle par téléphone aussi. Jen Selter, un petit mot donc sur Jen Selter. On l'a dit en début de semaine, c'est une jeune fille qui aime bien se prendre en photo. C'est une jeune fille sportive. Très sportive, voilà. Qui aime bien se prendre en photo après avoir fait du sport, justement. C'est ça, et qui a des fesses bien bombées. Toi, t'es tombé comment sur elle, en fait? Je sais même plus, je crois que c'est sur Warstar Hip Hop, un truc comme ça. Mmh. Je sais plus. Et tu t'es dit, waouh. Ouais. Ouais. Ouais. J'ai été flashé tout de suite. Mmh. Ouais. Mais pas trop. Comme il faut, en fait. Et c'est que t'as fait un morceau avec son nom ou pas? Ouais, elle sait, je lui ai dit. Tu l'as dit? Elle m'a répondu, tout ça. Ouais. Elle est contente? Ouais, elle a été flattée un peu après, c'est pas ce que je dis dedans. Donc, ouais, tant mieux. Ça va. Tu l'as pas envoyé la traduction? Non. Jen Selter maintenant, c'est sur Skyrock, dans Planète Rap, entre 20h et 21h, et c'est avec Joke. Yeah. Joke Easy. Dédicacé au plus beau boule du secteur, a.k.a. Jen Selter. Nigga, Black Body Boy. Bon, Richie Zer, motherfucker. Yeah, Black Body Nigga, Titan Taya, fais pas de mania. Pull ice cream, moi ça pas à playa. Tu veux venir briser la glace avec mon ami et moi. Je l'ai couché un soir, ton renom ami. De moi, je te fais boire des sacs, boire en taille. On veut les Bahamas, je dis que sa mère pas taille. Tu veux t'en mettre dans le nez, je te ramène l'Himalaya. Si tu es un gars d'ici, j'ai le mot Dieu d'un gars d'Aya. Je fly à Maya, je fly à Maya. Tu m'appelles bébé, je t'ai fait boom bye bye. Black Butter Boy dans le carré comme Maya. Santiago veut porter du bon Aya. Black Butter Boy, papa le moed. Big booty bitches inspire le poète. Black Butter Boy, papa le moed. Big booty bitches inspire le poète. Nigga, personne ne peut tester la parisienne. Shout out à mes parisiennes. La parisienne, yeah yeah. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, mais j'ai un petit fait pour l'américaine. L'américaine, mais Renoir, amène-moi la mexicaine. La mexicaine, la parisienne, la mexicaine. Mais je crois que je préfère l'américaine. La parisienne, la mexicaine. Mais Renoir, amène-moi la jamaïcaine. La parisienne, la mexicaine. Ramène-moi l'égyptienne. N'importe quelle africaine. Yeah. Ramène ton boule que je mette ma bouche dedans. En rendant des discours de grand. Mouille le maillot, laisse refroidir le grand. Le chauffeur attend juste devant. Je t'attrape par les feux, toi dans la bouche. Je te fais du sale, rentre dans la douche. Mets-toi à quatre pattes, j'allume mon cigarette. Je te traite comme une racaille. Je t'arrache tes bannis longs. Je vais te montrer comment je claque des seufs. J'ai tellement faire du sale, je vais me faire serrer par les keufs. J'attrape la bouteille, te force à boire au boulot. Tu l'as dans la bouche, je crois que t'as la tête sous l'eau. Je sais que je tape trop fort, mais je m'en bats les reins. Je donne du hardcore comme un Ghanéen. Je donne ça comme Brad Pitt, comme Angelina. Par la main. Apprends à parler Mina. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, yeah yeah. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, mais j'ai un petit fait pour l'américaine. L'américaine, mais Renoir, amène-moi la mexicaine. La mexicaine, la parisienne, la mexicaine. Mais je crois que je préfère l'américaine. La parisienne, la mexicaine. Mais Renoir, amène-moi la jamaïcaine. La parisienne, la mexicaine. N'importe quelle africaine. Mais personne ne peut tester la parisienne. Salut Gilles, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Si tu fais rien ce soir, bah passe, mon mec n'est pas là. Mais j'ai un petit fait pour l'américaine. Hello Joke, it's Lexi, I miss you. Can you come to my house? Call me back. Bisous. Redois, amène-moi la mexicaine. Hola Joe, cariño. Te llamé pero no respondiste, así que te dejo un mensaje. Ciao. N'importe quelle africaine. Joke easy, moté mananga, na bengi, kasina kuchina rafunda. Soki osu message nanga, benginga, allez lio fort. Dans les putains de vagues. Ateyabo, produit par mon négro Richie. Il devait être là ce soir en plus, je crois. Bah non, ouais. Du bruit. Y'a pas de bruit là. À Paris, il est là, il est là. Voilà. C'est Joke, notre invité toute la semaine dans Planète Rap. Ateyaba, c'est le nom de cet album et le morceau s'appelle Jen Selter à l'instant. Jen Selter, c'est ça. Tiens, allez mater hein, Jen Selter, hein, si vous voulez voir à quoi ressemble Jen Selter, surtout son meilleur profil, n'hésitez pas. Ouais. Allez voir les photos. De côté. Oui, c'est ça, les deux côtés. C'est pile ou face. Allez-y, 41. Qu'est-ce qui se passe, les filles, là? Elles chahutent. Ah, les soirées Vénus, ça, fallait s'y attendre, ces soirées. Les filles, ça. Ça se canalise pas, là. Non. Ah, ça, on peut pas trop canaliser, mais c'est pas grave. Écoute, c'est comme ça, on va en profiter, c'est bien. Une belle petite soirée Vénus. C'est ça. Entre 20h et 21h. Tu nous feras d'ailleurs tout à l'heure le live de Vénus. Ouais, j'espère. À pas louper. Si j'ai pas trop bu, hein. Encore une fois. Mais là, ça va, t'es bien, non? Ça va, au calme. Pour l'instant. Ça va, super. Il y a d'autres filles qui doivent arriver? Je sais pas, sûrement. T'as vu que la reine d'Angleterre est venue spécialement pour toi, Joe, ce soir? Ouais, mais elle n'est pas arrivée encore. Elle n'est pas arrivée. Donc, elle a bloqué tout Paris. Hein. C'est un vrai bordel, ouais. Bon courage d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, parce que à Paris, t'as Obama, Poutine, la reine d'Angleterre. Là, aujourd'hui, là? Ouais. Ah ouais. Donc bon courage jusqu'à demain, je crois, jusqu'à samedi d'ailleurs. Donc bon courage à ceux qui sont en voiture, qui nous écoutent peut-être dans les embouteillages. Si vous êtes sur Paris, la région parisienne, dites-nous, envoyez des photos aussi hein, via l'application Skyrock, via le skyrock.fm. Et puis les images sont dispo de ce Planète Rap aussi au même endroit. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau de Joke? On va mettre French Riviera. French Riviera. Après Live de Vénus, peut-être un autre morceau. Je sais pas si y a le temps, on verra. Avec Jenny Aiko aussi hein, qui est présente dessus. C'est ça, ça fonctionnerait bien, ouais. Et ben, ne loupez pas, dans un instant ça arrive. On vous attend au freestyle de Planète Rap, inscription 41759. Et on revient juste après ça. Comme toi, Joke a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est Joke, notre invité pour cette soirée spéciale Vénus. Ça va toujours les filles? Oui. Vous pourriez même aller un peu plus loin, vous pourriez même encore faire plus fort. Hein. Est-ce que ça va toujours les filles? Oui. Voilà, ça commence à ressembler. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a une qui veut poser une question à Joke? Profitez-en. Ouais. Qui? Ah bah vas-y, prends le micro, regarde, présente-toi. Là, prends ouais, le depuis tout à l'heure, je me fais remarquer. On t'entend. Non, mais parce bienvenue. Que je suis pas venue pour rien, donc bonjour. Bonjour, moi, je m'appelle Mandine VVP. Mandine parce qu'on est à la radio quand même, donc voilà. Et si je peux me permettre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui allaient kicker tout à l'heure, c'est ça? Enfin. Ah, tu si veux kicker toi? Lui poser une question en lui lisant quelque chose, si c'est possible. Bah oui, vas-y, c'est pour ça que j'ai proposé. Mandine, c'est ça, hein? Mandine VVP. Mandine VVP. Alors, vas-y, tu veux poser, c'est quoi, tu veux? Alors. Donc, t'as rappelez-vous quand même que je suis une personne tout à fait normale comme vous. Bah oui. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas rappeuse, rien du tout. Je vais juste écrit ce que je pensais. Donc voilà. Alors attention, un petit peu de silence. Mais moi quand même, parce qu'il faut un certain enthousiasme. Mais on va le faire avec enthousiasme, t'inquiète pas. Alors. Mes jambes, c'est. Alors, on va commencer doucement, puis ça va monter. Mes c'est long comme ça. Les jambes. Mais ça passe vite. Non, calme. Mais t'inquiète, ah oui, il y a tout ça. C'est gangsta. Je ne veux pas vous mettre en retard. On va commencer. Allez, les gens ne s'écarteront pas si tes fleurs s'emballent. Okay. On le sait, l'argent, c'est dur à gagner, à garder. Je suis pas comme ces meufs qui sentent la chatte, moi. Le manque d'argent m'a fait manquer des épisodes. Aujourd'hui, les noirs sont détestés par des noirs. Les noirs tuent des noirs pour prendre la place de toi. Je t'ai dit, mec, moi, c'est direct, les blèmes pro aux oubliettes. Mais lui, il est là dans ma tête, près des billets. Négro, libyen, je viens tout baiser, car un coup de stylo, ça me coûte rien. La compte de toi, là, fais pas le bâtard, s'il te plaît, car un coup d'œil et 5 minutes, ça te coûte rien. Renseigne, enseignez-vous. Aidez-nous, mon joke, parlez-leur. On a le droit de se serrer les coudes. Ici, il faut s'intégrer. Ici, c'est difficile. Chaque billet peut faire des billets. Alors, on veut make money, money. Et tu pourrais sûrement m'épauler, négro. Faisons-nous un selfie. Ouais. C'est chaud, ça. C'est très, très chaud, ça. Et je voudrais faire une dédicace. Bah, vas-y, à vas-y. Mon chéri, Julien Rémillon. Julien Jack, Julien Rémillon, je t'aime, mon bébé. Voilà, bah écoute, c'était Mandine à l'instant. C'était mignon comme tout. Bravo, bravo Mandine, bravo, bravo, on peut l'applaudir Mandine. Bah, tu vois, c'est bien passé. C'est chaud Mandine, c'est On t'a soutenu Mandine, c'était bien. Mandine, Mandine, pipi VVP s'il vous plaît, et je vous aime tous. Big up à ma maman, à mon frère Josian, et à Tasnim, et VVP forever. Voilà. Joke, je te kiffe, merci gars d'écrire ce que t'écris, merci. Merci à toi. Et bah voilà, Mandine qui était là avec nous. Je suis venu pour toi. Et bah écoute, c'est cool, bah, tu vas pouvoir en profiter encore dans un instant, il y aura un live Vénus. On met un morceau juste avant. On avait dit qu'on mettait French Riviera. French Riviera maintenant. Produit par Richie Beats. Qui est dans le coin, mais je sais pas s'il a pu rentrer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde ce soir dans le studio. Beaucoup je crois de filles. Qu'il est bloqué avec les couilles de l'autre côté là-bas. Mais en tout cas, Richie, pareil, il est dans le coin, c'est lui qui a fait le son et c'est le morceau qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. Featuring Genaiko. Hey, hey, I'm in the shop, hey, right, yo. Parle à l'assistante, je rejette ton appel. Regarde toutes les mères qu'on acquiert. Regarde le sac à main de ce qui accompagne. Parce qu'elle a le sac balmain assorti à mon bagne. Si t'as les narines qui brûlent, j'ai des pilules. ADN parfait dans les testicules. Chez nous, on fait les mêmes barbecues que dans Miné. Ils se ramènent tes chaînes, on a des pilules, mais on prend tout notre temps. On a du champagne, de la weed pour fumer. Montre-moi ta culotte, montre-moi tes seins. Je veux voir ça si tu m'aimes. Ramène le cognac, ramène le belvé, ce soir je veux tituber. Je suis pas sur Paris, je suis pas sur LA, ou Tokyo, je suis sur Régis, mon négro, je te vois à BX. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Love is like an ocean, and baby, I am immersed in your every air. Miscar la palabre, je parle à madame. Tu sais que le négro a trop de feu, donne du vague à l'âme. Ici c'est pas la même, vodka caramel. Tu sais que les autres négros sont pas valables. Ouais, tu prends les choses se compliquent. Allume ton buzz, ton stick. On cherche des seufs, ton gifle, négro. Quand on voit une bonne meuf, on siffle. Regarde sur la gauche, sur la droite. Pose tes seufs sur la natte, je vais te montrer les vraies choses. Ouvre le sac, sors la goutte, sors le jack, fais couler. Nous on sniffe pas des yo. Toi et moi, on se retrouve sur la même planète. Tous les deux, on peut boire dans la même canette. J'aime ta bouche, j'aime ta chatte, donc ramène ta lèvre. On termine demain, on reprend à zéro. Jenny. Love is like an ocean, and baby, I am immersed in your every era. Whenever I'm with you, I lose all sense of time. Love is like an ocean, and baby, I am immersed in your every era. Jokey, ayo, jokey, ayo, jokey, ayo, Joki, eh, yo. Joki, eh, yo. Joki, eh, yo. Joki, eh, yo. A t'es à bas dans les bacs, motherfucker. Viera. Jenaiko. Joki Z. Chip. Viera. Richie Beats au piano. Amène Richie, je te vois. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Joke à l'instant et ce morceau aux côtés de Jenna Aiko qui a beaucoup posé avec Drake aussi notamment. C'est ça. Et qui maintenant Drake, désormais Kendrick. Pose avec Joke. C'est ça. Elle a choisi Joke. C'est ça. Pour être sur ce morceau qui c'est s'appelle. Elle qui a choisi en plus. Hein. C'est vrai? Ouais. Direct, elle a dit. Parce qu'en fait, à la base, c'était un. Elle devait faire deux feats en Europe. Elle avait 60 demandes, un truc comme ça, tu vois. On lui a fait écouter le morceau et elle a choisi celui-là, quoi. Pas mal. Et ça, deuxième feat, tu sais qui elle a fait ou pas? Non, pas du tout. Ça doit pas être en France. Hein. Ouais, c'est ça, c'est autre part. Donc en France, c'est uniquement avec toi. C'est ça. Sur ce morceau qui s'appelle French Riviera à l'instant sur Skyrock, je vous présente aussi Twinkie de Neuilly. Salut Twinkie. Salut. Ah bah bienvenue. Un peu de présence, un peu de présence masculine dans cette émission. C'est merci. Une soirée Vénus avec Joke entre 20h et 21h. Toi, tu viens rapper, Twinkie? Ouais. Tu viens faire le freestyle par téléphone? Ouais, ouais. Eh ben t'écoutes, mon pote, c'est parti. Bang bang. Neyi. Chawit. Nera. Si je touche au digue, ça c'est pour l'ami. Malan Sati. Ingutela. Ça sort du pays. Rassi Zéro. Ça sort de Neyi. Bang bang. Bang bang. Bang bang. On court pas après les meufs, mais plutôt derrière les queues. Je rêve d'être milliardaire. Avoir le salaire à Messi, je reste en haut du peura comme à point sur les i, les mythos. Arrêtez de jurer sur le Coran, même la mort. Vous attrape en courant, je veux être célèbre. Comme la mort de Tupac, amen, que Dieu bénisse mes ennemis. Quand je serai mort, je serai au paradis. Bang bang, on est là. Ok Twinkie, bang bang à l'instant, freestyle. Dans l'émission, entre 20h et 21h, petite dédicace à passer Twinkie. Ouais, dédicace à les gens qui me soutiennent. Nico, John, mes potos. Ciao et tout ça. Eh ben ça roule, voilà. C'est fait. Message est passé à l'instant, Twinkie sur Skyrock et Joke, notre invité. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le live? Non, on attend de mettre d'autres morceaux encore avant de faire le live de Vénus. Il y a d'autres morceaux, mais est-ce qu'il y a d'autres morceaux pour les femmes? Je sais pas. Ah bah. Faut demander. Bah, attends, quel morceau vous voulez écouter? Major en l'air, ok. Major en l'air. Major en l'air? Elles aiment la violence en fait. Elles ah aiment ouais, le je sang. Fais, hein. Chut, les filles, deux secondes, temps mort. C'est vrai que le problème, c'est que. Amistad ou Major en l'air? Amistad. Ok, Amistad. Bon, ok. Amistad. Non? Alors. Ok, Major en l'air. J'ai entendu tout l'album derrière moi aussi, hein, qu'on met tout l'album. Moi ça me gêne pas. Bon, allez, premier choix, c'est Major en l'air, on verra si on a le temps d'en mettre un autre après. Les filles, un peu de calme s'il vous plaît. Ah ouais. Faut de temps en temps montrer un peu la présence masculine. Wow. Merde. Ça va ce bordel? Bon. Si, quel mot du. Est-ce que vous voulez entendre Major en l'air? Ouais. Allez, c'est parti. On n'a pas élevé les cochons ensemble, pas soulevé des cochons ensemble. Boire Solan des poumons ensemble, baisse le rap français dans son ensemble. L'état français, je lui fais sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes heures. Que le rap pourrisse dans son cercueil, le prince lui fera porter des fleurs. Envoie ta chagata avec des cœurs, avec l'argent la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un beau cadavre, si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, ma villa, rila, le rap va me payer ma villa, villa. Cigarillo, vanilla, nila, sur la moula, nabila, bila. Bila, bila, j'ai bon fond, voilà, et bila, et bila, et terroriste au cristal. Parce que je vais faire péter le cristal, on est sur les nerfs. On aime pas ça. Ça coule et pas sa tête. On aime pas ça. Nique les paramètres, négro sont là. Négro sont là, mais négro sont là. Négro sont là, MTP y'a rien qui bouge. J'ai du sale pour les négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. Je déçois pas les tantines, je compte toujours mes centimes. On fait nos brailles sans filet, sans fille, sans téléphone, sans fil. Les profs d'histoire m'a menti, ta pétasse t'a menti. Je te dirais bien que je cracherai pas dessus, mais gros, je veux pas mentir. Mon garantie à vie, mais ma vie n'est pas garantie. Je te laisse passer devant, je t'aimais ton cul, j'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Carquer les pistes sur une Marseillaise, enfant de la patrie. Rends-moi si tu payes en cash, toi sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la pute, et puis quand ça sort dessus. Plus virulent que le sida, une note d'une ligne d'Al-Qaïda. Encore plus sombre que Dark Vador, le père du fils Arachida Ida. On aime pas ça, on efface la tête, on aime pas ça. Nique les paramètres, négros sont là. Négros sont là, mais négros sont là. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air, négro. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Merde. Ah, elles sont chaudes, Fred. L'ambiance est très chaude ici. Elles sont très chaudes, je crois, mon frère. Hein. C'est très très chaud ici. Hein. C'est magnifique. D'habitude, je vois des centaines de lascars sauter dans ce studio. Et là, on est accompagné de jeunes filles qui sont là, magnifiques comme tout, qui mettent un major en l'air. C'est beau. Voilà, elles sont en colère de temps en temps. Elles le prouvent à l'instant avec ce morceau de joke major en l'air. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Vous avez vu quoi? Vous avez découvert les messages qui arrivent, c'est pour ça? Ah bah bloquez pas surtout parce que parfois il y a tout hein, ouais, c'est l'auberge espagnole hein, les messages. C'est le hashtag joke sur Skyrock pour envoyer les messages. Ah, il y a même Chris Brown qui a envoyé sa photo, regarde. Chris Brown nous écoute. Allez-y pour les photos, vous pouvez les balancer sur skyrock.fm ou alors via l'application Skyrock, ça arrive directement dans le studio. Est-ce que tu es prêt pour le live maintenant? Alors ça va être un live un peu dissipé ce soir, joke? Ouais, non, au contraire, calme, t'es peur. Est-ce que vous voulez le live de Vénus, mesdemoiselles? Oui. Bon, tranquille, on y va. Hein. Je te laisse faire. Azura, t'es prêt ou quoi? Ah, il est prêt, il est prêt. Baby, baby. Cheer. Laisse tes affaires là. J't'emmène voir les pyramides. Parce que t'es la plus bonne de mes petites amies. C'est vrai qu'avant t'étais chiante, peut-être un peu méfiante. On devrait peut-être se poser, même si t'es long à la détente. Ça fouille mon 4S, ça cherche des caresses. Moi je veux faire du sale, je veux faire du bif, je veux faire des affaires. Les femmes viennent de Vénus, les femmes aiment le vrai russe. Les femmes parlent comme des ancêtres, les femmes parlent en rébus. Certaines sont de ses belles-mères, certaines sont des belles-sœurs. J'apprécie quelques gens qui gravitent dans mon secteur. Quoi qu'il en soit, je suis entouré que de belles femmes. Emmène-moi faire les vitrines sous les néons d'Amsterdam. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, quoi? Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Crois que je vais me faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, celles qui en font trop comme les femmes flics. C'est qu'elles ont besoin de la baguette magique. Celles qui crient trop fort comme la maîtresse ont besoin d'un prince charmant pour faire passer le stress. J'aime celles qui travaillent leur abdos fessiers. Travail, travail, y'a pas de sous-métier. Je les aime tellement, j'oublie toute leur prise de tête. Non, je ride sur Vénus, DS sur le siège, en sous-vêtements. On est sur le nerf. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Quand j'aime faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Les filles du bruit. Non, les filles, faites du bruit. Yeah. Chantez les filles, chantez. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. J'entends rien. Baby, baby, baby, baby. Stay belle comme Jada Dominez. Stay belle comme Jada Dominez. Ooh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Stay belle comme Jada Dominez. Au calme. Ah, t'es là-bas dans les putains de bacs, négro. Yeah. Merci à toutes les demoiselles. À l'instant live, faites du bruit pour Joke. Le morceau s'appelle Vénus, vous le retrouvez sur l'album Ateyaba, on le découvre entre 20h et 21h. Alors cette version avec les filles derrière, Joke, bien. C'était au calme. Mais aussi au concert, hein. C'est très féminin les concerts de Joke. Hein. Il y a tout. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Mais encore, je sais pas, hein, je crois qu'il y a plus de boucles quand même. Ah, bah peut-être que ça va s'inverser pour la prochaine tournée. Peut-être. Hein, le 6 novembre, loupez pas le concert, c'est à la Cigale à Paris pour l'instant. Et puis d'autres dates. Il y a d'autres dates là. Il y a d'autres dates. Ah, ça y est, tu es allé dates. Ils sont arrivés entre temps. Très bien, vas-y, vas-y. Donc il y a le 16 octobre à Montpellier au Rockstore. 18 octobre à Marseille, à La Franchie. Le 30 octobre à Toulouse, à Dynamo. 1er novembre à Lyon, Moulkazi. 6 novembre, Cigale Paris, vous connaissez ça. 7 novembre, Nancy. 15 novembre, Senon. 29 novembre, Rennes. Et 5 décembre, Lille. Très bien, donc ça c'est les dates, tu les balanceras aussi sur les réseaux sociaux, on pourra les trouver. Là ou pas les filles ? Elles sont là sur toute la tournée à mon avis les filles. Bon, avant de se quitter, on finit avec un dernier morceau ? Dernier morceau. Alors les filles, qu'est-ce qu'on met comme morceau ? Oye papa ! Oye sa papa, il y a Maïlé, qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'est les enchères là. Alors moi j'ai dit ça, tiens, j'ai dit ça. Joke. Ok, on envoie Maïlé. Maïlé, Azura envoie Maïlé mon avec, frère. Avec Dossé. Alors Maïlé moi. Ah tu veux le faire en live ou non ? Non non. Non mais le morceau ouais, ok. Allez. C'est... Non non non. Non c'est ça part de là-bas le morceau. Maïlé maintenant extrait l'album Ateyaba. Dans les toilettes, les grosses comme une canette. L'état te brise la chenec à chaque paquet de cigarettes. Grosse glace dans l'armoire, un peu fort à boire. Des gars des signes homosexuels, on se manque à toi. Je te paye en liquide, salope, dis-moi pourquoi faire un putain de pourboire. J'suis togolais, allez, mais c'est le petit abri là. Ta mère la tient, ton père la tient. C'est en ce moment, ton père la main. Sors le machin, sors pas les culs. T'es une jetière, on parle plus. J'ai trouvé cette mexicaine, j'en ai perdu mon latin. L'avenir appartient à ce qu'ils vont quebra de bon matin. Tu peux me juger, mais y'a qu'au succès que je suis condamné. les poches pleines si je t'aperçois. Gros, je suis Gilbert Montagné. Faut que j'ouvre des business avec tous les pays frontaliers. Les négros se croient chauds, vont crever de convulsions spontanées. Cherche, pétasse, signe, collier, échappe, tout mes chiffres. On veut tracer comme les négros, d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. Bonjour aux messieurs, Captain Sans sur les yeux. Ferme ton cas, vu où fait mieux. J'baisse ta grosse dame sous tes yeux. Totalement en carrière pour mes mauvais garçons, mes mauvaises cartes. Tous les jours je pense argent, placement, paradis fiscaux, monégasque. Oui, la France est une terre d'accueil. Poc, brésilienne, arme russe. J'veux du bif, ferme ta gueule. La chatte, une blague à la place du mort. Une brune, une blonde, là sur l'arrière-banquette. On ne sert que des avions de chasse. La grosse chatte à Kate Blanchett. Ces négros parlent, mais ces négros ne pèsent rien. J'fais de la piraterie de haute voltige sur le réseau Hertz. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même débit. 45 Orleans MTP, folie furieuse à la ODB. J'les préfère quand elles assument leur côté bitches. Quand elles ont les seins qui tapent sur mes abdos, comme s'ils avaient fait des bêtises. Beaucoup, beaucoup trop de basse, beaucoup, beaucoup trop de promo. Pèse le rap comme une tasse à base de gros coups, no homo. Monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche, putasse, celui, connaît, échappe, tout mes chiffres. On veut tracer comme les négros, d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. Le morceau s'appelle Miley, Joke et Dossé. À l'instant, vous le retrouvez sur l'album Ateyaba qui est dans les bacs depuis lundi, qu'on peut télécharger tout de suite. Allez-y, légalement. Joke sur Skyrock, le hashtag, c'est les messages qui arrivent ici en direct. Les filles, vous Fred, on va jouer sur les nerfs encore. Hein. Ah, vous voulez remettre, on est sur Attends, les nerfs. Attends, on sait pas. Vous voulez 4 pas. 4 pas, on est sur les nerfs. Ok, on est sur les nerfs. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoue? On est sur les nerfs? On est sur les nerfs. Bon, bah c'est extrait d'Ateyaba maintenant dans cette soirée spéciale Vénus. De quoi on t'entend pas? On est sur les nerfs, le bruit. Ok, c'est parti. Avant de retrouver la radio libre de Deep Fool dans un instant. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deblé. Armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que tu pourras, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on n'aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. J'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Peux baisser un peu le micro, s'il te plaît. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Oh. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche fait moins sac la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. J'sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un club, pas échange, juste en taille des pieds. Dans les fumoirs, j'vois des cougars dans les couloirs. Tous mes négros sont allumés. Ta proie, cette merde, c'est une toile du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs. Paris sur les nerfs, Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. We'll be right back. on est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo et Kaiton vernis, hein. J'ai pas des idées bien placées. Ne parle plus du passé, je les ai dépassés. Veste matelassée, pas cassée. Faire marcher, elle a pas glacé. Dans le carré, je regarde l'état, ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanaser. Cette petite prendra cher, c'est touche à cette dick. Je suis au top dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Et on quitte cette boîte. Si ta pointe est encore net, chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme facile de la marée. On est sur les poids. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. C'est le Planète Rap de Joe, qui est cette soirée Vénus qui va s'achever, les filles. Il va falloir rentrer à la maison maintenant. C'était très lourd. C'était bien cette soirée, non? Merci toutes les filles. Merci, merci beaucoup les filles d'être venues ici dans le studio. Celles qui nous ont écoutées aussi. Les mecs qui ont ragé aussi. Qui étaient très énervés, les gars. Jaloux, les gars. Les haters. Ah, ils étaient énervés, là. Ils étaient énervés en voyant les vidéos. Ça les a énervés. Ils étaient là, derrière, tout seuls, derrière leur. Là, ils ont le moche jusqu'à la fin du siècle. Derrière leur vidéo, ils se tapent. Jusqu'à la fin du siècle, ils ont. Bon, merci à vous tous pour cette soirée. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. 200 places, Kev Adams en exclu. À choper maintenant sur Skyrock. Salut Erwan de Concarneau. Salut, ça va? Ça va bien, Erwan? Ouais, tranquille. Tu es prêt à faire tourner la roulette, on y va? Il y en a assez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette soirée spéciale Vénus, hein, Erwan? Ouais, merci. Il fallait un peu de présence masculine quand même, tu as raison d'être là. Ouais, j'ai capté, ouais. Stop! Ah là, un bon gros stop, ça. Un truc bien masculin, bien énervé. Erwan? C'est les deux places pour aller sur la tournée de Kev Adams qui fait 41 zéniths. Wow, 41 zéniths dans toute la France. Enfin, 41 dates dans les zéniths de la France entière. Et toi, t'as tes deux places, Erwan. Ah, c'est cool ça, merci. Et bah, passe une bonne soirée. Ouais, merci. Et je peux passer une dédicace, vite fait? Vas-y, on t'écoute. Bah, alors, je passe une dédicace à ma petite sœur qui m'écoute pour qui les places elles sont. À mon pote Pierre, à mon pote Boris et à ma chérie Catel et mon chef d'équipe qui est en train de m'attendre pour retourner bosser. Eh ben, bon courage, Erwan. Ouais, merci. Tu bosses dans quoi? Tu bosses dans quoi? Thermoplastie. D'accord, ok, bah écoute, bon courage pour cette soirée alors. Reste avec nous. Ouais, merci. Il y a la radio. Il n'y a pas de soucis, toujours branché sur Sky. Eh bah terrible, la radio libre de Diffou qui arrive. Merci Joke, merci à vous tous et à vous toutes surtout. Les filles, merci. Merci les filles. Merci d'être venues. Merci. Eh, faites du bruit les filles. Et on se retrouve nous, Joke, demain, un petit peu avant 20h pour la suite et la fin du Planète Demain Rap. Pour du très sale. Diffoul, est-ce que du tu es là? C'était très bien cette soirée Vénus. Tu as entendu cette soirée Vénus? Oui, bravo les filles, félicitations, bravo pour la soirée Vénus. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi, Fredo? Bah ouais, écoute-moi, franchement, je vais super bien. Je vois les messages, là, Ismaël officiel qui dit, hé les filles, passez faire un tour sur mon Twitter. Ah, c'est pas le seul, oui. Il y a plein de messages. Ah non, mais les mecs sont déchaînés depuis tout à l'heure. Vous avez raison, très bien. Bah écoute, Joke, t'as passé une belle soirée, j'imagine. Ouais, c'était propre, là. C'était propre, demain c'est du sale, là. J'ai bien compris. C'est ça. Bon, ben on va te laisser, Joke. Bonne soirée. J'imagine que t'as plein de bises à faire, là. Beaucoup de photos. Ouais, voilà, c'est ça. Et beaucoup de photos. Merci, Fredo. C'est avec plaisir. De rien. Fredo, il est tout chaud ce soir. Ah, mais moi, ça va. Hein, ah, bah, j'imagine. Je reste, on peut même gnolé. En faire. Il a la voix qui tremble. Non, je suis pas gnolé. Mais rien filé comme gnole. C'est bien dommage, d'ailleurs. On a été radin. Vous étiez radin. Les mecs, ils sont filés la gnole. Moi, j'ai rien eu. Attends, il y a une bouteille de Jack, je crois qu'il est. Nada. Il y en a plus. Il n'y a plus rien. Azura, il a tout bu au platine. Merde. Il n'y a plus rien. Tu vois, regarde, j'ai jamais été aussi sobre. Bah, bravo, Fredo. Demain. Comme quoi tout arrive. Ah bah, comme quoi tout peut arriver. Demain le retour, Joke pour la dernière de la semaine, à pas louper, Planète Rap. Demain exact, soir, demain. Juste avant 20h ça démarre et jusqu'à 21h. Donc on arrive dans un instant, enfin on est déjà là, hein, mais vous pouvez nous appeler dès maintenant. Et dans un instant, tout se passe en direct avec vous, de toute la France, 01 53 40 30 20. Oui. Avec toute l'équipe qui est là, la Marie, Romano, Cédric, Samy, Karim, Momo. Ouais. Et vous tous de toute la France, allez-y, faites tout péter, les SMS, le net, tout le reste. Le problème du mois sera là aussi, attention. Et puis dans un instant, on aura le premier de la soirée, c'est Quentin qu'on va retrouver avec nous. Préparez-vous, Radio Libre, c'est dans quelques instants. Avec Maska et Maître Gims pour démarrer. Eh bah terrible. Maska, Maître Gims, un peu plus viril que la soirée Vénus hein, quand même. Ouais, ouais bah, c'est sûr. Ouais. On écoute Bang Bang, enfin le morceau qui s'appelle Prie pour moi sur Skyrock, c'est parti. Ciao. Ciao Fred, salut Joke.